Je te remercie, Landry. Tu m'as dit à peu près ce que tout le monde me reproche, et tu me l'as dit avec beaucoup d'honnêteté et d'aménagement. Mais veux-tu que je te réponde? Et pour cela, veux-tu t'asseoir à mon côté pour un petit moment? L'endroit n'est guère agréable, dit Landry. Tu ne trouves pas l'endroit agréable, reprit-elle, parce que vous autres riches, vous êtes difficiles. Mais ceux qui n'ont rien à eux n'en ont pas si long, au bon Dieu. Il n'y a point de vilain endroit, Landry, pour ceux qui connaissent la vertu et la douceur de toutes les choses que Dieu a faites. L'homme méprise trop souvent ce qui ne paraît ni beau ni bon, et par là, on se prive de ce qui est secourable et salutaire. Je n'entends pas bien ce que tu veux signifier, dit Landry, en s'asseyant auprès d'elle. Ils restèrent un moment sans parler. Mais Landry n'avait entendu une voix si douce et des paroles si bien dites que les paroles et la voix de Fadette dans ce moment-là. « Écoute, Landry, lui dit-elle, je suis plus à plaindre que la blâmer. Et si j'ai des torts envers moi-même, du moins, n'en ai jamais eu de sérieux envers les autres. » Elle lui rappelle alors toutes les peines qu'elle a endurées depuis le départ de sa mère. « Et comme je ne peux ni ne sais la défendre, je la venge. Il est vrai que le bon Dieu m'a faite curieuse, mais si on avait été bon et humain envers moi, je n'aurais pas songé à contenter ma curiosité aux dépens du prochain. J'aurais renfermé mon amusement dans la connaissance des secrets que m'enseigne ma grand-mère pour la guérison de cœur humain. Si je me suis laissé attirer dans le commerce de mon prochain, c'est par l'envie que j'avais de rendre service avec des petites connaissances qui me sont venues et dont ma grand-mère elle-même fait souvent son profit sans rien dire. Eh bien, au lieu d'être remercié honnêtement par tous les enfants de mon âge dont je guérissais les blessures et les maladies et à qui j'enseignais mes remèdes sans demander jamais de récompense, j'ai été traité de sorcière. Cela me courroussait et j'aurais pu leur nuire car si je sais des choses pour faire du bien, j'en sais aussi pour faire du mal, et pourtant, je n'en ai jamais fait usage. Quant à ne prendre soin ni de ma personne ni de mes manières, cela devrait montrer que je ne suis pas assez folle pour me croire belle lorsque je sais que je suis si laide que personne ne peut me regarder. Aussi, moi, je ne suis pas comme ceux qui disent « Voilà une chenille, une belle bête !»« Ah, qu'elle est laide, il faut la tuer !»« Pauvre bête, que je lui dis, si on doit tuer tout ce qui est vilain, je n'aurai pas plus que toi le droit de vivre. »